Kadiho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Une nouvelle formation politique cherche à voir le jour au Burundi. Il s'agit du mouvement des patriotes humanistes avec à la tête Nick Paul Casimir Nichayenzi qui compte annoncer sa position par rapport aux prochaines échéances électorales. Le gouverneur de Gitega tranquillise les populations des collines avoisinant la ville. Il ne leur a pas interdit de construire leur maison, seulement des études vont bientôt être menées afin que chacun bâtisse sa maison suivant le rang du quartier. Les femmes et filles qui fréquentent les filières scientifiques sont encore moins nombreuses au Burundi. Déclaration faite hier lundi lors de la célébration de la journée internationale dédiée aux filles et femmes des sciences. En page culture, on vous parlera de la compétition Isanganiro Award, 7e édition qui est en phase finale. Et dans la chronique santé de ce mardi, Ornella Mucho va nous parler de la maladie appelée jaunisse, une coloration jaune au niveau des yeux et de la peau de l'enfant qui vient de naître. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Un nouveau parti politique cherche à voir le jour au Burundi. Il s'agit du mouvement des patriotes humanistes, MPH en sigle. Il a été créé le 14 février dernier lors de l'Assemblée constituante dans le but, selon ses responsables, de rassembler les Burundais de tous les coins et toutes les composantes de la société, y compris ceux de l'extérieur, anciens membres des partis politiques ou non. Le MPH est dirigé au plus haut sommet par Nick Paul Casimir Nichayenzi avec deux vice-présidents, Rwasa Bernardo Sindibarura et Primitive Ndayisenga, le commissaire général Jacques Kenese. Il y a également le secrétaire général Emmanuel Miburo et son adjoint Aruna Nduwiga. Le MPH, une fois devenu effectif, compte annoncer dans les prochains jours sa position sur le rendez-vous électoral de 2020. Les leaders de cette nouvelle formation politique en devenir réitèrent leur vœu d'un avenir de paix et de prospérité à tous les Burundais en général et aux patriotes humanistes en particulier. Nick Paul Casimir Nichayenzi espère que sa formation politique sera agréée bientôt. Vous savez très bien que les partis politiques au Burundi ont été déficitaires. Nous sommes nous-mêmes dits au Parité ou tout FML qu'il fallait réunir nos partis pour procéder à la réunification. Mais nous nous sommes dit qu'il faut innover. Il faut maintenant parler avec d'autres qui ont participé ou qui ont milité dans d'autres partis ou même qui n'ont même pas été dans d'autres partis pour pouvoir concevoir un travail commun, un projet politique de société qui pourra nous permettre de combattre la pauvreté dans ce pays, la problématique d'emploi dans ce pays. C'est ainsi que nous sommes réunis maintes fois et cette fois-ci nous sommes mis d'accord pour former ce parti politique et demander au plus vite l'agrément auprès du ministère de l'Intérieur. Mais vous étiez dans un parti politique, pourquoi n'avoir pas participé pour combattre ces vices? Justement, les conditions n'étaient pas remplies. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons voulu mettre sur pied un parti politique propre où les idées sont écoutées et débattues, ce qui n'était pas le cas. Il reste peu de temps pour les échéances électorales de 2020. Votre mouvement des patriotes humanistes entend participer dans ces échéances? Soyez rassurés, nous sommes déterminés, nous nous sommes préparés à faire. À partir du moment où nous sommes agréés, le lendemain matin, nous commencerons nos activités et nous pourrons et nous participerons avec d'autres à la campagne électorale et nous pourrons aussi participer aux élections de 2020. Ça, il n'y a pas de doute. Nick Paul Casimir Nichayenzi, propos recueillis par Mireille Kanyang. Le gouverneur de la province de Gitega, devenu capitale politique, tranquillise les populations des collines avoisinant la ville de Gitega, qui croyaient qu'il leur a interdit de se faire construire des maisons sans autorisation du service de l'urbanisme. Il parlait plutôt des études qui seront menées très bientôt pour classer les quartiers, afin que chacun se fasse construire une maison proportionnellement à ses moyens et au rang du quartier. Il n'a pas non plus interdit la vente des propriétés foncières sur ces collines, mais déclare qu'il a simplement conseillé aux gens de ne pas vendre les propriétés, surtout familiales, sans objectif valable et consensuel de la famille. Gérard Nibigira. Ce sont les articles 2 et 3 du communiqué du gouverneur de la province de Gitega, M. Vena Manirambona, signé le 9 janvier dernier, qui avait suscité des inquiétudes au sein des populations des collines environnant la ville de Gitega. L'article 2 interpellait les habitants des collines et des quartiers Rutegama, Virohe, Rango, Nyabututsi, Songa, Mushasha, Nobge, Rukoba et Bgoga à ne pas se faire construire des maisons sans autorisation du service et de l'urbanisme. Cela a alors provoqué des grognes au sein des habitants qui disaient qu'ils n'ont pas de moyens leur permettant de se conformer aux normes de l'urbanisme. Néanmoins, le gouverneur de Gitega explique plutôt qu'il sera très bientôt mené une étude qui classera les quartiers selon les catégories, à savoir les quartiers résidentiels ou au standing, les quartiers des gens ordinaires et les quartiers des gens de faibles moyens. Ainsi, poursuit-il, chacun selon sa catégorie se fera construire une maison propositionnelle à ses moyens et à la catégorie de son quartier. Le troisième article, quant à lui, véhiculait un conseil à l'endroit des habitants des collines environnant la ville de ne pas se presser pour vendre leurs parcelles, surtout familiales, spécialement ces jours-ci où la demande est trop forte suite à la proclamation de Gitega comme capitale et politique. Ceux qui ont compris qu'il leur a interdit de vendre leurs terres ont mal compris, ajoute-t-il, mais c'était un conseil dont l'objectif est de ne pas être motivé par des sommes colossales qui leur sont proposées tout en sacrifiant l'avenir de leur famille. Il souligne également que c'était dans le cadre de protéger les acheteurs des parcelles qui risqueraient de voir des routes tracées dans ces mêmes parcelles. Il termine en précisant que ceux qui se feront construire des maisons sans respect de la loi se verront leurs maisons détruites. Cependant, personne n'est en train de construire des maisons illégalement. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Je vous le disais tantôt, les femmes et filles qui fréquentent les filières scientifiques sont moins nombreuses au Burundi. Cela a été dit ce lundi lors de la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de sciences. Le directeur général de l'École normale supérieure, ENS, a indiqué que la culture est l'une des entraves chez cette catégorie de gens pour fréquenter ces filières. Une politique incitant les femmes à rejoindre ces disciplines serait nécessaire, a-t-elle ajouté. Le point avec Moïse Misako. Célébrées pour la première fois au Burundi, les femmes de sciences burundaises ont indiqué qu'elles ont été fortement critiquées d'avoir fréquenté les disciplines telles que les mathématiques et la physique. Le directeur général de l'École normale supérieure ENS a fait savoir que les femmes et filles qui ont fréquenté les sciences techniques, ingénierie et mathématiques oscillent entre 15 et 20%. Selon Agnès Nakimana, docteur en physique qui a fait la polytechnique, indique qu'elle a eu beaucoup de difficultés au cours de son cursus. Elle invite d'autres femmes à emboîter le pas. Quand il était moment d'aller à l'université, c'est là où on a commencé à nous dire que si tu as fait la scientifique, là alors tu auras des difficultés parce que tu devras faire la polytechnique. Or les filles qui font la polytechnique, ils vont perdre leur féminité et en définitive ils n'arrivent pas à avoir de mari. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu qu'il y avait de belles filles et les filles réussissaient de la même façon que les garçons, ils avaient les mêmes difficultés et j'ai pu continuer, je n'ai plus pensé à changer pour aller en économie et en droit. Les sciences ne sont pas très difficiles, mais les sciences demandent du temps. Les facteurs socioculturels seraient parmi les obstacles qui freinent les femmes et filles à affronter ces sciences, souligne le directeur général de l'École normale supérieure. Selon le docteur Nusura Hassan, une politique incitant les femmes et filles à aborder ces disciplines serait nécessaire. Et la situation a changé positivement. Il n'y avait presque aucune femme dans les écoles, mais actuellement, je crois que pour les sciences, on arrive à des pourcentages de 15 à 20% dans les filières scientifiques. Les entraves se trouvent surtout du côté de la culture, les préjugés. Les filles ne sont pas encouragées à. Il faut donc trouver des voies pour le faire. Et maintenant, nous allons cheminer vers l'élaboration d'une stratégie d'attraction des femmes vers les filières scientifiques. Cette journée a commencé à être célébrée en 2016. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Pour la deuxième fois, un test pour l'obtention du permis de conduire a été organisé ce lundi au chef-lieu de la province de Mwaro. 88% de ceux qui ont passé le test ont réussi. Pour le permis définitif, le taux de réussite est de 34%. Le chef de service permis à la police de sécurité routière dit que cela va réduire le nombre d'accidents sur la voie routière. Le point avec Laurent Dicoulio. Au cours de ce test pour l'obtention du permis de conduire qui a lieu au chef-lieu de la province Mwaro ce lundi, 176 candidats ont passé ce test pour ceux qui cherchaient le permis de conduire provisoire. Parmi ceux-là, 155 personnes ont réussi, soit un taux de réussite de 88%. Pour la catégorie de ceux qui ont passé le test pour avoir le permis définitif, 12 seulement sur 35 qui ont participé ont réussi, soit un taux de 34%. Selon Bonaventure Vouyekoure, chef de service permis à la police de roulage et de sécurité routière, cela permettra aux conducteurs de moto et de véhicules dans cette province de Mwaro de travailler dans la régularité. Il souligne en plus que le nombre d'accidents sur la voie routière va sensiblement diminuer. Il indique que même si un accident survient, les sociétés d'assurance indemnisent les victimes, ce qui n'est pas le cas quand le conducteur n'a pas les documents exigés. Bonaventure Vouyekoure demande aux candidats qui n'ont pas réussi à ce test de continuer à s'exercer afin d'avoir l'expérience nécessaire pour réussir dans les prochaines séances qui sont normalement prévues après chaque fois 3 mois. Signalons que le précédent test avait eu lieu en juillet de l'année 2018 qui vient de s'écouler. De Mwaro, Laurent Dicoulou, Radio Isanganiro. Les cultivateurs qui ont payé l'avance sur les engrais chimiques à leurs anciens tarifs à Wururi paieront désormais la solde en se référant aux nouveaux tarifs. Bernard Rabonimana, directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans cette province du Sud, confirme les faits. Il met en garde quiconque revendra ses engrais chimiques. Il sera puni comme un voleur. Des femmes de la zone Kinama, à mairie de Bujumbura, exercent le métier de vendre le maïs grillé. Elles affirment que ce métier les aide à prendre en charge leur famille. Une des difficultés auxquelles elles font face est que le maïs n'est pas disponible durant toutes les saisons. Ces femmes appellent leur père à se mettre en activité dans le but d'assurer le développement familial. Les détails avec Vesti Nebutoi. Nous sommes dans le quartier Muramvia, de la zone Kinama, près de la route goudronnée, au bord de laquelle se trouvent des femmes qui sont en train de vendre des maïs grillés. Les unes sont assises par terre, décortiquant les maïs, d'autres grillent ceux-ci sur les brasières. Une de ces femmes dit que ce qui l'a motivée à faire ce métier, c'est qu'il lui est arrivé un moment où elle ne pouvait pas nourrir ses enfants. Ce qui m'a poussé à faire ce travail, d'abord j'ai des enfants et j'étais sans emploi. Donc j'ai cherché un petit capital pour que le bénéfice m'aide à nourrir mes enfants. Elle ajoute qu'aujourd'hui, en s'appuyant sur son boulot, elle est capable de procurer du pain à ses enfants. Absolument, ça m'aide. Car si le prix d'achat de maïs de 5 à 10 000 francs, le prix de revient peut être de 2 000 à 3 000 francs. Et avec ce bénéfice, je peux trouver de quoi nourrir mes enfants, comme l'haricot, le riz. Avant qu'il ne s'implique dans cette activité, elle affirme qu'elle est menée une vie misérable. Auparavant, je menais une vie difficile car même mon mari était désœuvré. Il nous arrivait même de passer une journée sans rien manger. En plus du manque de la nourriture, personne ne pouvait m'emprunter de l'argent, indique une autre femme. Nous étions dans des mauvaises conditions, nous dormions à ventre creux et personne ne pouvait m'emprunter même 500 francs. Il fait savoir que son boulot de griller les maïs ne peut en aucun cas perturber ses tâches ménagères car il explique que les deux activités ne se font pas simultanément. Pendant le matin, je m'occupe des tâches ménagères comme la cuisson des aliments. Je viens ici après avoir tout terminé. Les maris de ces femmes sont fiers d'elles parce qu'elles contribuent au développement familial. Les défis de ce métier sont, entre autres, le fait que ces maïs ne sont pas disponibles durant toutes les saisons, l'endettement permanent de leurs clients et le fait de s'approvisionner des maïs de mauvaise qualité. Au moment où ces femmes demandent aux autorités habilitées de les appuyer financièrement et les interpellent les autres femmes à se mettre en activité pour contribuer au bien-être de leur famille. Merci Vestine. Certains commerçants du marché de la zone urbaine de Kanyosha disent travailler à perte dans le marché provisoire. Ils demandent la reprise des travaux de réhabilitation de leur marché afin qu'ils puissent y retourner. Le commissaire de ce marché tranquillise. Bientôt, ils pourront le réintégrer, mais ils demandent à ceux qui n'ont pas encore payé les frais de construction des stands de le faire dans les meilleurs délais. La compétition d'Isanganiro Award a pour objectif de générer un esprit de créativité aux chanteurs en mettant en avant l'image de la chanson burundaise. Propose Demeline Nibogola, présidente de la commission chargée d'organiser la compétition Isanganiro Award 7e édition. Cette compétition est maintenant en phase finale où le public vote la chanson de leur choix. Nibogora interpelle les mélomanes de la musique burundaise de voter massivement afin de soutenir les œuvres des artistes burundais. Écoutez Emeline Nibogora, présidente de la commission chargée d'organiser la compétition d'Isanganiro Award 7e édition au micro de Médard Niyonkuru. Comme toutes les autres éditions précédentes, la 7e édition d'Isanganiro Award a pour objectif de valoriser l'artiste burundais et l'image de la chanson burundaise. Mais aussi, elle a pour objectif de créer un esprit de compétitivité, de performance et de professionnalisme. Et maintenant, quelle est l'évolution? Et la 7e édition évolue. Nous avons déjà présenté au public les 10 chansons nominées par un jury composé par des professionnels de la musique. Et nous demandons maintenant à la population burundaise, aux mélomanes de la musique, de contribuer vraiment à la valorisation de la musique burundaise en votant la chanson qu'il juge meilleure parmi les 10. Et alors, comment voter? Pour voter, il suffit juste d'utiliser votre téléphone mobile, surtout si vous êtes abonné à Iconet Leo ou Smart, et puis vous composez étoile 190, étoile 2, dièse, vous envoyez et vous voyez ensuite la liste des 10 chansons qui apparaît et vous donnez la chance à votre chanson préférée de gagner Isanganiro Award. En bref, nous interpellons vraiment tout un chacun de participer à ce vote afin de soutenir les œuvres de nos artistes. Radio Isanganiro, chronique santé. La maladie de la jaunisse est une coloration jaune au niveau des yeux et de la peau de l'enfant qui vient de naître. Cela est dit par le pédiatre qui explique que son origine est la présence dans le sang de pigments biliaires et plus précisément de bilirubine. Docteur Egide Ninhunze fait savoir que la jaunisse s'observe en deux formes, dont la jaunisse qui se manifeste juste après 24 heures de naissance. La chronique santé de ce mardi est signée Ornella Mucho. La maladie de la jaunisse est repartie en deux parties. L'ictère pathologique s'observe juste avant 24 heures après la naissance de l'enfant, comme l'explique le pédiatre Ninhunze Egide. C'est une maladie qui apparaît juste à la naissance ou bien quelques jours après la naissance. Les ictères pathologiques, ces ictères apparaissent très précocement, c'est-à-dire avant 24 heures de vie. L'enfant peut naître juste après la naissance, vous voyez qu'il commence à jaunir comme ça. Alors, à ce niveau-là, il faut faire beaucoup attention. Il faut commencer à traiter cet enfant le plus tôt possible pour éviter ce qu'on appelle ictère nucléaire. La jaunisse qui s'observe chez l'enfant après 2 jours de naissance, c'est l'ictère physiologique. Docteur Ninhunze nous explique sa cause. Alors, au niveau de cette classification-là, il y a ce qu'on appelle ictère physiologique et ictère pathologique. Alors, les ictères physiologiques, habituellement, apparaissent à 48 heures de vie, c'est-à-dire après 2 jours de la naissance. Et à ce moment-là, cet ictère est appelé ictère nu, c'est-à-dire un ictère qui n'est accompagné par aucun autre signe. Les signes, c'est-à-dire, par exemple, un ictère qui est accompagné par la fièvre, un ictère qui est accompagné par vomissement, état général altéré. Donc, cet ictère n'est plus physiologique, il faut chercher la cause. C'est un enfant qui tète normalement, qui n'a pas de fièvre, qui fait ses besoins normalement, qui est là comme ça. Vous voyez qu'il a. Alors, dans ce cas-là, c'est un ictère qui est de pronostic bon. Habituellement, une simple exposition au soleil, ça permet de faire régresser cet ictère-là. Selon toujours ce pédiatre, la photothérapie est l'une des moyens utilisés pour traiter la jaunisse. Et la première chose qu'on fait couramment, c'est de mettre l'enfant sous photothérapie. Donc il y a une lumière bleue donc sous laquelle on va mettre l'enfant parce que cette lumière, le rôle de cette lumière c'est de transformer ce pigment qui s'appelle bilirubine à ce qu'on appelle un isomère qui va permettre que cette substance va être absorbée dans l'eau et va être excrétée avec les urines. Alors donc c'est la première chose qu'on doit faire. Lorsque l'enfant est déjà sous la photothérapie, on va faire rapidement des investigations, faire des examens pour trouver la cause puis traiter la cause aussi. Il existe une méthode qui n'est pas couramment utilisée ici, c'est ce qu'on appelle exsanguination. Une transfusion, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éliminer le sang du nouveau-né qui est déjà atteint par les anticorps de la mère et le remplacer par un autre sang qui est sain. Mais je précise, ce n'est pas fréquent ici. Il y a des cas où la photothérapie peut régler le problème. Dans la chronique prochaine, nous vous parlerons des examens faits pour diagnostiquer la jaunisse ainsi que les conséquences qui s'observent une fois que cette maladie n'est pas traitée comme il faut. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Epitas Naïchimie pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.